J'étais bien installé sur le siège 33B. J'étais côté fenêtre quand je t'ai vu apparaître. Tu es venu t'asseoir près de moi côté couloir. Quand tu m'as demandé, ça vous gêne pas changer de côté. Le train toujours en gare, je cherchais ton regard. Et quand je le croisais, bien malgré moi, je rougissais. Et le moteur démarre, le train prend le départ. Juste le temps d'un voyage pour te laisser une bonne image. Encore un kilomètre. Et je lui dis tout, je lui dis tout. Encore juste quelques mètres. Et je lui dis tout, je lui dis tout, enfin peut-être. Un peu timide, je t'ai proposé de prendre un café dans le wagon-bar plus loin, juste à côté des WC. J'y suis allé sans toi, je t'ai pris un chocolat. Mais l'amour ça rend maladroit, c'est pas ton jean qui me contredira. Nettoyé, énervé, j'ose à peine te parler. J'ai pourtant tant de choses à te dire avant de te laisser partir. Le paysage défile, mon cœur bat plus fort. À chaque ville, il ne me reste plus qu'une heure pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Encore un kilomètre. Et je lui dis tout, je lui dis tout. Encore juste quelques mètres. Et je lui dis tout, je lui dis tout, enfin peut-être. Le train arrive en gare, tu me fuis du regard. J'ai même du mal à te suivre, tu cours vite avec tes valises. Et je t'ai perdu de vue, je suis pas dans la bonne gare non plus. Je n'ai plus qu'à repartir avec ton image comme souvenir. J'étais bien installé sur le siège 38A. Quand tu m'as demandé, on change de siège, ça vous gêne pas? Le train quitte la gare, c'est un nouveau départ. J'ai juste le temps d'un voyage pour te laisser une bonne image.